Je tente chaque jour de surpasser mon énorme timidité pour si peu d'amour. Tenter d'oublier avec les filles mon passé pour si peu d'amour. Je me crève chaque jour à oser faire la cour pour si peu d'amour, pour si peu d'amour. Toutes les filles que j'aime me détestent et me sèment pour si peu d'amour. Mais je continue quand même, l'amour toujours le même thème, pour si peu d'amour. Quand est-ce que ce sera mon tour à cesser enfin de galérer pour si peu d'amour, pour si peu d'amour. Pour si peu d'amour. On dit que la beauté ne compte pas, mais le mec qui a dit ça, il devait pas connaître l'amour. Remarquez, moi non plus, je le connais pas, mais moi je suis prêt pour ça, pour connaître l'amour. Pour connaître l'amour.